Le salon noir. L'archéologie peut-elle encore révéler quelques surprises ? De moins en moins, pensent certains, tandis que d'autres font des modèles prédictifs, les archéologues fouillant n'ayant plus qu'à remplir les cases vides. Et pourtant, malgré leur grande imagination, qui aurait pu penser encore mieux prévoir que plus de 200 corps gisaient à l'angle de la rue Réaumur et du boulevard Sébastopol. Les plus vieux s'en souviennent, chez Félix Potin, on y revient. Mais pourquoi donc ces 200-là n'en sont jamais ressortis ? Pour tout savoir sur le mystère des disparus du Félix Potin, deux anthropologues de l'INRAP, Isabelle Abadi et Marc Guyon. Allez, je vous emmène en Floride. Miami, ses plages, son soleil et ses pomelos. Chez Monoprix jusqu'à dimanche, savourez les pomelos de Floride et profitez d'un troisième pomelo gratuit. Isabelle Abadi, nous voici dans les sous-sols du Monoprix de la rue Réaumur. Qu'est-ce que vous y faites ? Alors là, en fait, on est en train de fouiller une partie du cimetière de l'hôpital de la Trinité, qui se trouve donc à l'emplacement du Monoprix. On est au niveau moins 2, à peu près à 6 mètres sous le niveau de sol actuel. Vous avez à peu près combien d'individus à ce jour ? On est entre 250 et 300 individus à peu près. La fouille est encore en cours, donc on aura sûrement d'autres squelettes. Et c'est vous qui avez découvert ces premiers squelettes ? Alors en fait, c'est lorsque l'entreprise Monoprix a souhaité abaisser le niveau de sol des caves dans lesquelles nous nous trouvons pour transformer l'endroit en nouveau lieu de stockage qu'ils ont découvert des squelettes, des ossements humains en fait, épars en surface. Donc les services de l'État ont été alertés et donc l'INRAP intervient depuis le 5 janvier jusqu'à peu près au 20 mars. Et tout était recouvert de béton ? On a surtout une couche de béton plus importante dans les salles du fond. Les salles dans lesquelles nous nous trouvons, c'était plutôt du gravat de plâtre. Mais on a vite remarqué dans les salles du fond qu'une couche de béton particulièrement importante avait été déposée sur les squelettes, aux endroits où on a les fosses communes. On a une bonne dalle de béton. Le cadre est absolument très spectaculaire. On a bien sûr des corps, mais tout ça est dans du sable de rivière. Apparemment, le substrat géologique ici, c'est du gravier. On serait sur un affluent de la Seine. Et donc, les particules fines qu'on a au-dessus, c'est du sable. Voilà, en sachant qu'on a le gravier en dessous. Du coup, ça, c'est très facile à fouiller. Alors, facile, oui, dans le sens où ça se fouille assez bien au pinceau. Par contre, la difficulté, c'est que les ossements ne tiennent pas bien. Si on enlève trop de sable, ça s'effondre. Donc, il faut trouver le bon équilibre au niveau de la fouille. Vous avez combien de caves sous ce Monoprix ? L'emprise de la fouille s'étend sur 6 caves. Elles font pas toutes la même taille. En gros, on a 100 mètres carrés. Et dans chaque cave, il y a des squelettes ? Alors non, dans la cave numéro 4, on n'a pas du tout de squelettes. Donc on a fait des sondages pour vérifier s'il n'y en avait pas plus bas ou au niveau des murs, puisqu'on sait donc que les murs sont implantés sur le cimetière. Et la cave numéro 5, elle n'a livré aucun squelette. Donc soit on est en dehors du cimetière ou à l'entrée du cimetière, ou sous l'emplacement de quelque chose, d'un bâtiment ou d'un calvaire, parce qu'on a des calvaires aussi qui sont représentés sur les cartes anciennes. Actuellement, je ne peux pas dire ce que c'était, mais on sait qu'il n'y a pas d'ossement à cet emplacement-là. On peut considérer qu'il s'agissait, bon, bien sûr d'un cimetière, mais d'une grande fosse où vous avez plusieurs éléments de fosse. Alors, on a plusieurs fosses communes. Actuellement, on est à 10 fosses communes, et il y en a une particulièrement qui se dénote, puisqu'on a entre 150 et 200 individus actuellement. Les autres fosses, on a plutôt entre 5 et une vingtaine d'individus, en sachant que certaines, on n'a pas les limites. Donc il y a des incertitudes. Mais la fosse qu'on a derrière nous, là, vraiment se démarque des autres. Alors d'après ce que j'ai vu, par exemple, la fosse qui est devant nous correspond à la fosse qui est dans l'autre salle et le mur du Félix Petain est venu couper l'ensemble ? Oui, les caves dans lesquelles nous nous trouvons apparemment seraient un peu plus anciennes que le bâtiment Félix Potin, qui a donc été construit en 1910. Et ces caves se sont vraiment implantées sur le cimetière. Ils ont traversé les squelettes. Donc au moment de la construction des caves, ils savaient où ils se trouvaient. Et vous pensez que les ouvriers ont vu à ce moment-là qu'ils attaquaient un cimetière ? Oui, c'est sûr. C'est sûr, ils sont passés vraiment au travers des fosses. Ils ne pouvaient pas ignorer qu'ils étaient à l'emplacement d'un cimetière. Est-ce que vous fouillez un tout petit bout de ce cimetière ou vous avez l'intégralité ? On fouille un petit bout du cimetière. Il faut savoir que l'emprise de l'hôpital était très grand, puisque donc il se développait de la rue Saint-Denis à la rue Saint-Martin. Donc c'est un très gros ensemble et nous on a une petite portion du cimetière. Il faut savoir également qu'il existait un cimetière des protestants qui est mentionné dans les textes, mais qu'il se développait plutôt au nord du passage Basse-Four, donc pas du tout dans l'emprise dans laquelle nous nous trouvons. Vous me parliez de fosse commune, c'est ce que l'on appelle une sépulture multiple en anthropologie ? Tout à fait. Donc, ce qu'on a pu observer, notamment sur la fosse qui est devant nous, c'est la façon dont sont déposés les défunts. En fait, les corps sont déposés en trois rangées parallèles et les corps sont déposés tête bêche. Donc on va avoir visuellement une tête, des pieds, une tête, des pieds, une tête, des pieds. En fait, le fait que les corps soient enchevêtrés, ça permet de placer un maximum d'individus. Et ça nous montre que tous les corps ont été déposés en une seule fois et qu'il y a eu beaucoup de corps à gérer d'un coup. Alors la fosse fait également, on a entre 3 et 5 niveaux d'inhumation. Les corps sont vraiment superposés les uns aux autres, on n'a pas de dépôt de sédiments entre les corps. Et tout ça, ça nous montre qu'on est face à une crise de mortalité. Il y a eu un événement, à un moment donné, qui a provoqué tous ces décès d'un coup. Alors maintenant, reste à déterminer l'origine de cette crise de mortalité. Donc pour cela, on a notamment effectué des prélèvements ADN qui nous permettront peut-être d'identifier une épidémie. On va également étudier les textes qui parlent d'événements liés à l'hôpital, d'épidémies, de famines, de fièvres. Et on va aussi effectuer des datations C14 sur chaque fosse, ce qui nous permettra d'une part de comprendre la chronologie du site, quelles sont les fosses les plus anciennes, quelle est la fosse la plus récente, mais aussi de pouvoir faire un recoupement entre les datations des fosses et les datations qui sont mentionnées dans les textes par rapport aux épidémies et aux événements de l'hôpital. Ce qui est très spectaculaire, c'est que les corps sont très contraints. Oui, les corps sont vraiment déposés de façon très organisée et très serrée. On peut observer sur les ossements des contraintes au niveau des membres supérieurs qui sont hyper fléchis, les mains plaquées sur les épaules en position haute ou plaquées sur le bassin, mais les membres sont vraiment contraints contre le corps. Les membres inférieurs, on observe les mêmes contraintes. Les genoux sont accolés, les pieds sont superposés en hyperextension. Et en fait, tous ces éléments, c'est des indices qui nous montrent qu'apparemment, il y aurait une enveloppe souple, contraignante, autour du corps. Donc ça peut être un linceul, ça peut être le drap de l'hôpital, par exemple. Lorsque la personne décède, on enveloppe le corps dans le drap. C'est une des hypothèses qu'on peut imaginer. Et on dépose le corps dans la fosse. Est-ce que vous regardez déjà tout ce qui pourrait concerner les traumatismes, la pathologie, dès la fouille ? Alors la première constatation que l'on peut faire, c'est qu'il n'y a aucune trace de traumatisme. Donc on n'est pas sur un conflit. Ça, c'est quelque chose qu'on peut exclure. Alors le problème, par ailleurs, c'est que les épidémies ne laissent pas de traces sur les os la plupart du temps, à part certaines, et encore, c'est pas toujours très sûr. Par exemple, la tuberculose, qui ne laisse pas de traces systématiquement. Donc le seul moyen qu'on a de détecter les épidémies, c'est par l'ADN. Mais par ailleurs, on peut aussi observer sur les squelettes des pathologies plus classiques que l'on rencontre dans des contextes paroissiaux, par exemple dans les fouilles d'église. Ça va être de l'arthrose, ça va être des petites fractures, des choses comme ça. Et le recrutement, c'est-à-dire quel type de population avez-vous sur le terrain ? Alors ce qu'on peut constater à la fouille, et ce qui sera vérifié bien sûr par la suite, c'est que toute la frange de la population a l'air représentée. On a des hommes, des femmes, des enfants, des adolescents, des personnes âgées. On a vraiment toute la frange de la population qui est représentée. Et des nourrissons ? Quelques tout petits, oui. Pas beaucoup, mais on en a quelques-uns. C'est peu fréquent, ça. Alors, d'une manière générale, les tout-petits sont souvent sous-représentés dans les populations archéologiques pour différentes raisons, des problèmes de profondeur d'enfouissement ou de conservation, ou de choses comme ça. Là, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas énormément de tout-petits. On en a quelques-uns, mais là aussi, ils sont en sous-représentation quand même. Un squelette, c'est assez... C'est quoi ? C'est une journée de travail, à peu près. Mais quand on en a 200 et que tout est imbriqué, comment fait-on ? Alors, le fait que ce soit du sable et que les squelettes soient imbriqués, ça nous permet de fouiller beaucoup plus vite que dans un contexte classique où il faut enlever, par exemple, 50 cm ou 1 mètre de terre au-dessus du squelette. Là, on enlève un squelette, tout de suite, immédiatement en dessous, le suivant arrive. Donc, ça va beaucoup plus vite. Et le fait que ce soit du sable aussi permet de fouiller au pinceau assez vite. Après avoir dégagé le squelette, il y a une étape de photo qui nous permettra notamment de redessiner chaque squelette pour le replacer sur le plan général de la fouille. Une étape d'enregistrement écrit, évidemment, avec les fiches où on va noter toutes les informations d'orientation des corps, de position des ossements, etc. Et ensuite, donc, on va enlever chaque squelette, donc chaque squelette est numéroté, et on va prélever le bloc crânio-facial et la mandibule d'un côté, les vertèbres d'un autre, les côtes d'un autre, les membres inférieurs d'un autre côté et les membres supérieurs d'un autre côté. Voilà, en fait, le squelette est prélevé comme ça. Alors commence l'étude, et c'est ça le moment peut-être le plus important. Oui, donc la prochaine étape après la fouille, ce sera donc d'étudier les squelettes au centre archéologique de la Courneuve. Quel est leur devenir ensuite ? À l'issue de l'étude, les squelettes vont être stockés dans un entrepôt archéologique. Ensuite, c'est le service régional de l'archéologie qui prendra le relais. Et après, il existe éventuellement une possibilité, c'est que le propriétaire du terrain fasse une demande de réinhumation des ossements. Et à ce moment-là, on peut replacer les ossements dans un cimetière avec une plaque ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qu'on peut faire. Ça a été déjà le cas pour des squelettes que vous avez étudiés ? Oui, le site de Mantes-la-Jolie notamment, les squelettes ont été réinhumés dans le cimetière de Mantes-la-Jolie avec une plaque qui expliquait le contexte de découverte. Et l'église de Gonesse aussi qu'on a fouillée il y a un an, les ossements à l'issue de l'étude retourneront dans l'église de Gonesse où le projet d'aménagement en fait a prévu un endroit où les ossements pourront être redéposés. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire ? Peut-être trouver l'exacte chronologie de ce cimetière et ensuite essayer de plonger dans les textes ? Vous n'avez pas encore commencé à regarder ? Non, toute cette étape-là de recherche en archives n'a pas encore débuté. Donc il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses à voir parce que l'hôpital de la Trinité a eu plusieurs fonctions. Il a été construit au XIIIe siècle, détruit à la fin du XVIIIe siècle. Donc il a une existence assez longue. Il s'est passé beaucoup de choses au sein de cet hôpital. Donc tout ça, il va falloir que je l'étudie, que je regarde toutes les mentions dans les textes anciens. Une des personnes qui est en train de fouiller porte un masque. Pourquoi ? Contre l'éventuelle épidémie ? Non, il n'y a pas de risque en fait sanitaire. Priscilla est en train de porter un masque parce qu'ici c'est très poussiéreux. Entre le sable et le béton qui a été déposé en surface, ça devient très très vite poussiéreux. Pour vous, c'est une vraie expérience ? 200 squelettes d'un coup, c'est quelque chose de très nouveau dans votre carrière ? Ou c'est une chose de tout à fait banale ? Vous fouillez régulièrement ce genre de choses ? Alors, ce n'est pas tant le nombre de squelettes qui est étonnant, c'est plutôt le contexte. Parce que finalement, les milieux hospitaliers, on a peu l'occasion de les fouiller. Je crois qu'en France, on a moins d'une dizaine de sites peut-être de ce type qui ont été fouillés. Donc on a beaucoup de choses encore à apprendre sur les pratiques funéraires en milieu hospitalier, pas seulement liées aux épidémies, mais aussi sur le fonctionnement quotidien d'un hôpital et comment on gère les défunts au jour le jour. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Marc Guillon, vous êtes archéo-anthropologue et biologiste. Vous œuvrez bien sûr à l'INRAP et dans le laboratoire PACEA du CNRS. 200 squelettes découverts donc sous le Félix Potin rue Réaumur, ce n'est pas grand-chose pour vous ? Alors, 200 squelettes, si c'était une nécropole ou un cimetière complet, ce serait relativement important autour, par exemple, d'une petite église. Or, nous sommes dans un contexte très difficile pour l'archéologie en général et pour l'archéologie funéraire en particulier, qui est le contexte urbain. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que on ne fouille que ce qui est détruit lors de l'aménagement du sous-sol des villes. On est absolument certain de trouver des occupations antérieure entre le début du XXe siècle et la préhistoire. Et on est pratiquement certain aussi, malheureusement, de n'avoir qu'un morceau du gisement. Donc ce qui s'est passé à Sébastopol avec la mise au jour de 200 squelettes pour la fouille, si je ne dis pas de bêtises, d'à peu près 4 caves, alors que les travaux haussmanniens avaient coulé une dalle et a condamné certainement plusieurs dizaines de caves, on peut donc, en termes de représentativité de l'échantillon, se dire que si ça se trouve, on a 5, 10 ou 15% du gisement avec les mêmes particularités. Alors pour vous, ce cimetière, c'est un cimetière d'hôpital, c'est ça? On a déjà fouillé des cimetières d'hôpitaux? Alors, ces dernières années, avec les grands travaux d'aménagement, surtout les grands linéaires, mais aussi les ZAC en périphérie des grandes et moyennes villes, on a fouillé plusieurs dizaines de cimetières d'hôpitaux, avec des exemples assez anciens en Normandie dans les années 60 et 70, et des exemples beaucoup plus récents, comme à La Rochelle récemment. Et il y a eu plusieurs rapports de fouilles de très grande importance qui ont fait avancer à la fois l'organisation des sépultures autour des lieux de soins et des chapelles, puisque c'est une période jusqu'à récemment où le clergé, qu'il soit séculier ou régulier, était très souvent en charge du soin des populations citadines, mais aussi parfois des populations rurales. Il existe toutes petites cimetières hospitaliers. Et donc, on a fait un grand pas, surtout ces 20 dernières années, dans les deux milieux, ruraux et urbains, sur les cimetières d'hôpitaux. Et La Rochelle et le cimetière de la Ciotat sont d'excellents exemples très récemment fouillés. Quelles sont les spécificités de ces cimetières d'hôpitaux? En fait, tout dépend exactement de la nature de la structure autour de laquelle étaient déposées les gens, puisque si l'aile de votre hôpital que vous êtes en train de fouiller, parce que les hôpitaux sont rarement à la campagne, vous allez trouver des infirmeries, vous allez trouver des chapelles comme on trouve dans le sud de la France, qui sont ensuite interprétées comme des infirmeries ou des léproseries, mais l'hôpital est une structure urbaine. Or, ce qui se passe, c'est que, en fonction de la nature même de l'hôpital, car l'Hôtel Dieu, s'il n'est pas un lieu spécialisé, ou s'il n'est pas forcé de le devenir par une épidémie, par exemple, ou une poussée de variole ou de choléra, il va recevoir tout le monde. Mais petit à petit, surtout en allant vers la période moderne, les malades vont être reçus dans telle ou telle structure en fonction de leur maladie. Je prends un exemple très simple, les vieux. Les vieux sans moyens, sans famille, finissent souvent dans un hospice. Et qu'est-ce que vous allez avoir dans le cimetière? Vous allez avoir une série de sépultures 40, 400, 4000, essentiellement de personnes de plus de 70 ans. Et donc vous savez très bien que vous avez un recrutement très particulier d'une population bien particulière dans un lieu bien particulier. Mais si vous avez par exemple un hôpital qui se consacre essentiellement aux accouchements, vous allez avoir très malheureusement des fœtus, des périnatales et des dames qui sont mortes en couche. Et puis il y a l'épidémie. Alors l'épidémie, justement, elle est ou non prise en charge par le milieu hospitalier. Dans les premiers temps du Moyen-Âge, sans remonter à l'époque gallo-romaine qui a pourtant connu des épidémies, notamment de peste absolument énormes comme nous au XIVe et jusqu'au XVIIIe siècle. Il ne faut pas oublier que la peste n'a été éradiquée qu'au XVIIIe siècle quand on a enfin compris qu'on avait une chaîne opératoire entre le rat, la puce et l'homme. Et tant qu'on n'avait pas compris ça et qu'on n'avait pas installé des contextes sanitaires satisfaisants, la peste a pu continuer à nous toucher jusqu'au XVIIIe. Mais les deux très gros pics de peste, par exemple, c'est le XIVe et le XVIe. Le XVIe étant moins fort que le XIVe. Et malheureusement, les équipes soignantes n'ont pas le temps d'être les seules et n'ont pas les moyens humains d'être les seules à intervenir auprès des morts. Et je dis auprès des morts parce que ce ne sont plus des malades, puisque vous mourrez à moins de 48 heures. Donc en fait, pour gérer les morts, il faut un certain nombre de volontaires, un certain nombre de personnes aussi dans toutes les épidémies, même fulgurantes, sont auto-immunisées pour des raisons qui étaient encore mal connues, qui le sont aujourd'hui et qu'on retrouve vis-à-vis du virus, mais là on parlait de bactéries, mais vis-à-vis du virus, puisque ils se sont auto-immunisés et donc ils ne pourront pas mourir et donc pourront malheureusement conduire les charrettes, servir de fossoyeurs, etc. Mais il n'est finalement pas systématique que les sépultures de catastrophe, les mass graves des anglo-saxons, soient associées à un cimetière. Vous pouvez très très bien trouver des sépultures de catastrophe dans les faubourgs, loin de toute structure hospitalière. Et c'est d'ailleurs le cas à Londres, où la peste des années 1340 a été traitée dans des immenses tranchées qui pouvaient comporter jusqu'à 100 individus et qui étaient dans les faubourgs de Londres et qui ont été découverts grâce, entre guillemets, à une fouille préventive extensive en banlieue de Londres. On vient de retrouver d'ailleurs. Alors, c'est tellement énorme, parce qu'il faut pas oublier que l'Europe et l'Angleterre notamment a perdu la moitié de sa population au XIVe siècle et la fouille n'avait pas été exhaustive. Et puis de toute façon, il est absolument certain qu'il n'y avait pas qu'un seul lieu d'inhumation de pestiférés à Londres dans les années 1340 et qu'il nous arrive encore de trouver des fragments. Alors du coup, disons-le, de gisement, alors c'est un mot un peu barbare, mais qui n'est absolument pas irrespectueux par rapport aux victimes de la peste, mais le nombre de morts se comptant en dizaines de milliers, vous pensez bien que sous le Londres actuel, qui est bien loin du cœur du Londres médiéval, on a encore des milliers de pestiférés enterrés. Alors, rue Réaumur, donc sous le Félix Potin, on avait éventuellement envisagé la peste ou la variole. Est-ce que ces deux maladies ont des recrutements différents, notamment dans le temps ? Alors oui, bon, la variole a atteint très très fortement les populations anciennes jusque à la fin du XVIIIe siècle, au moment où Jenner, en 1792, a réussi à mettre au point son vaccin contre la variole, qui surtout au XIXe et surtout en ville, va permettre à la majorité des familles de passer d'une mortalité de bien plus de 8 enfants sur 10 à 5 puis 4. Et aujourd'hui, la variole ne tue plus les jeunes enfants. Et du coup, ce qui est différent entre la variole et des pathogènes beaucoup plus virulents, c'est que la variole tue énormément des premières classes d'enfants. Alors que la peste tue absolument toutes les classes de vivants. Et donc ce que vous avez quand vous avez un gisement de peste, c'est que vous avez de tous les âges représentés, alors que si vous avez un gisement de victimes de la variole, d'abord, il y a peu de chances que vous ayez un véritable gisement, mais bon, il peut y avoir une poussée évidemment, et vous devriez retrouver beaucoup de sujets décédés avant 4 ans, voire décédés avant 1 an. Or, à Réaumur, il y a des enfants, il y a des adolescents, il y a des adultes des deux sexes. L'étude est en cours actuellement et on attend les résultats pour voir s'il y a une surreprésentation d'un sexe sur l'autre. Mais je serais prêt à parier qu'il n'y en aura pas statistiquement. Mais c'est plus symptomatique d'un pathogène comme la peste ou un autre aussi violent que contre la variole, nous aurions davantage de périnatales. Alors attention, nous n'avons fouillé que 4 caves sur probablement des dizaines. Alors qui nous dit que les bébés ne sont pas dans une ou deux fosses que nous n'avons pas fouillées ou que les travaux haussmanniens ont détruit? Parce que, comme on a pu le voir à Sébastopol, Réaumur, les haussmanniens ont coulé une dalle de béton qui a en partie abîmé les ossements. Mais en partie seulement, puisque 80% du site est cependant fort bien conservé, ce qui nous permet de dire que nous n'avons aucune trace de violence et que donc, avec un état de santé qui semble être normal, entre guillemets, puisque le terme de normalité pour les biologistes a un sens fort, hein, on est beaucoup plus près très probablement d'un recrutement lié à une attaque pathogène qu'à un quelconque combat ou bataille ou guerre civile. Marc Guyon, il reste la lèpre dont vous êtes spécialiste. Effectivement, ayant fouillé il y a assez longtemps sur la route qui a été refaite entre Bayeux et Caen, j'ai pu fouiller avec mon équipe au moins 50 à 70% de la totalité d'une léproserie et de son cimetière. Alors pourquoi je dis au moins ? Parce que le reste est sous la quatre voies actuelle et au-delà de la quatre voies, c'est un site gallo-romain. Donc mon emprise est à peu près connue, donc j'ai au moins une représentativité de 50% avec d'assez nombreux lépreux, c'est-à-dire plus de 10 à 20% de lépreux. Mais la lèpre a quelque chose de particulier, alors c'est aussi un pathogène bactérien, hein, comme la peste, et contrairement au sida par exemple, qui lui est un virus, donc qui lui contient de l'ARN alors que les bactéries contiennent de l'ADN, ce qui nous permet de les découvrir très facilement dans le collagène des humains, puisque dès qu'on a légèrement amplifié les ADN, si c'est la peste ou la lèpre qui a tué les hommes, on aura des fragments d'ADN de Yersinia pestis qui est absolument impossible à confondre avec notre propre ADN. Et la lèpre, c'est pareil, mais même si la lèpre est présente dans le squelette de l'être humain, que nous étudions après sa fouille, c'est très souvent une autre maladie opportuniste, comme malheureusement dans le cas du sida, qui a tué in fine la personne, car elle était extrêmement affaiblie, puisque la lèpre attaque la totalité des terminaisons nerveuses et crée chez le malade énormément de plaies ouvertes puisqu'il ne ressent plus du tout la douleur et il est évidemment infesté par autre chose et il va mourir d'une maladie opportuniste. Donc vous allez avoir des cimetières très particuliers qui vont durer des dizaines d'années, être gérés très souvent par des moines, pas toujours, et attirer à lui, je parle donc du cimetière, une population de malades ou d'indigents qui tente d'avoir le statut de lépreux pour être pris en charge par la communauté religieuse. En conclusion, Marc Guyon, ce cimetière d'hôpital de la rue Réaumur, il est important tout simplement parce que le grand cimetière des innocents avait été détruit. Alors, il serait important si on était sûr qu'il y était lié, si je puis dire. C'est-à-dire que, est-ce que ces sépultures de catastrophes sont liées à ce qui a été, à un moment donné, cet immense cimetière des innocents que, pour des raisons sanitaires, on a vidangé pour placer les halles et mis les squelettes secs, ce qui ne pose aucun problème métaphysique. Donc, ils les ont déplacés dans ce que vous connaissez tous être les catacombes, c'est-à-dire les anciennes carrières de pierre, puis les anciennes champignonnaires, et enfin, aujourd'hui, les catacombes. Alors, est-ce que les sépultures de Réaumur-Sébastopol appartenaient en partie ou étaient en périphérie du cimetière des innocents? On ne le sait pas pour l'instant. Est-ce que ces sépultures de catastrophe ont été attirées par l'église et le cimetière de la Trinité, qui étaient à deux pas? Si vous vous mettez à l'angle de Réaumur-Sébastopol et vous cherchez les halles, vous y êtes en 6 minutes à pied, en prenant Sébastopol. Donc, il y avait une densité de cimetières absolument énorme, mais peut-être, je dis peut-être, et je ne suis pas historien, mais dans l'équipe d'Isabelle Abadi, il y a un historien, et on pourra peut-être découvrir des traces écrites de cet événement qui a été court. Et du coup, il n'a rien à voir dans la durée avec aucun de ces deux cimetières. Mais y a-t-il été rattaché, soit par commodité, soit par pensée religieuse? Je l'ignore. En tous les cas, quelle que soit la communauté qui a géré les inhumations, on est proche du clergé, de toute façon, qu'il soit séculier ou régulier, on était encore dans une mort gérée par le clergé dans un laps de temps incroyablement court. La semaine prochaine, nous évoquerons l'épopée des rois Thraces actuellement au Louvre. Yves Coppens, Jean-Pierre Changeux, Philippe Taquet organisent aujourd'hui et demain, dans le cadre de l'Académie des sciences et de la Fondation Cino del Duca, un colloque autour de l'évolution humaine, des gènes à la culture, avec un parterre d'éminents chercheurs à voir donc 10 rue Alfred de Vigny à Paris dans le 8e. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Jean-Guilain Meige, attaché d'émission Catherine Denet.